Marthe et Marie. Dans le petit village de Béthanie, non loin de Jérusalem, se trouve une maison où Jésus aime beaucoup se rendre. C'est celle de son ami Lazare et de ses sœurs, Marthe et Marie. Aujourd'hui, justement, Jésus est là. Quelle joie ! Marthe veut préparer le meilleur des repas. Tandis qu'elle surveille d'un œil une galette de blé qui cuit sur le feu, elle prépare des plats de sauce. Puis elle court au puits remplir une cruche d'eau fraîche. De retour dans la maison, elle se précipite au fourneau. Oh non ! La galette est toute brûlée ! Marthe, essoufflée, les cheveux ébouriffés, se tourne vers sa sœur et lui fait signe de venir l'aider. Mais Marie est assise aux pieds de Jésus. Les yeux fixés sur lui, elle l'écoute attentivement. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous ferons chez lui notre demeure, dit Jésus en regardant tour à tour Marthe et Marie. Mais Marthe n'a rien écouté. Elle est en colère. Marie, elle, est toute tournée vers Jésus. Marthe en a vraiment assez. Alors, d'un pas décidé, elle va se planter devant Jésus et se fâche. « Seigneur, regarde! Marie me laisse tout faire! Ne peux-tu pas lui dire de venir m'aider un peu ?» Jésus prend tendrement la main de Marthe et lui dit d'une voix douce « Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes. Tu veux faire tant de choses pour moi. Pourtant, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Et qui sait si Marthe, apaisée, ne s'est pas assise, elle aussi, près de Jésus pour l'écouter ?